Bonjour Tiffen et bon après-midi à vous. Aujourd'hui dans la compagnie, quatrième numéro de notre série consacrée à Frédéric Chopin. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est comme s'il y avait deux Chopins, l'enfant et l'adolescent polonais, riant de tout, entouré d'amis, prodige musical des salons de Varsovie, et l'adulte parisien, nostalgique de sa famille, craignant la foule et composant dans la douleur, en raturant trois lignes sur quatre. Entre les deux, il faut dire qu'il y a eu la mort de la sœur, il y a eu l'approfondissement de la maladie, et il y a eu aussi l'exil, comme nous le voyons ici, depuis lundi. Lundi, quand Pascal Fautrier nous a raconté la vie du musicien, avant que mardi, Jean-Jacques Egeldinger ne nous parle de son œuvre et de la façon de l'interpréter, tandis que mercredi, Cécile Reynaud a replacé Chopin dans le contexte du romantisme et nous a parlé de sa virtuosité pianistique. Et aujourd'hui ? Il me manque autant que je lui manque. J'ai besoin de veiller sur lui autant qu'il a besoin de mes soins. Sa figure me manque, sa voix, son piano, sa petite tristesse et jusqu'au bruit déchirant de sa toux me manque. Pauvre ange. Moi, je ne lui manquerai jamais, sois-en sûr. Et ma vie lui est consacrée pour toujours. Eh bien, aujourd'hui, nous allons revenir sur la relation entre Chopin et George Sand et sur les étés passés à Nohant dans la propriété de l'écrivaine. Nous sommes pour cela en votre compagnie, Jean-Yves Pat. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Chopin, dont Les promenades de Frédéric Chopin. C'était en collaboration avec Jacqueline Queneau et avec des photographies de Christian Fleurant aux éditions du Chêne en 1999. Vous avez aussi écrit « Les étés » de Frédéric Chopin à Nohant en 2009 aux éditions du Patrimoine, réédition 2018. C'est sur ce livre-là surtout que nous nous sommes appuyés pour construire cette émission. Mais pour ceux qui s'étonneraient de ce que les éditions du Patrimoine publient un livre sur Chopin, il faut rappeler que le domaine de Nohant, c'est un monument national. Absolument, oui, nous sommes au cœur du sujet en étant à Nohant. Georges Sand aussi, c'était peut-être un monument national. Alors curieusement, ça a été un monument national, puis ça a été une espèce d'auteur aux abonnés absents. Et récemment, depuis une vingtaine d'années, c'est quelqu'un qui revient vraiment sous la lumière, débarrassé un peu du folklore confiturier. Oui. Et Chopin, alors, c'est un monument national? Chopin, c'est un monument international. C'est un monument européen? Oui, mondial même. Il fait partie des premiers, je crois, des quatre premiers noms cités par les amateurs de musique au travers du monde. Donc, oui, c'est un monument mondial. Il faut dire qu'on se l'arrache un petit peu. Les Français essaient de tirer la couverture à eux. Bon, les Polonais aussi, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre et puis c'est légitime de part et d'autre. Donc, est-ce que c'est vraiment une guerre très intéressante aujourd'hui? C'est peut-être la question qu'on devrait enfin se poser. La seule guerre qui vaille le coup d'être menée, c'est la guerre pour connaître et reconnaître l'œuvre de Chopin, en débarrassant encore une fois de quelques scories telles cette espèce de dispute stupide. Mais vous avez l'impression que la musique française qui a suivi Chopin a beaucoup gardé de lui. Ça, c'est une question très étrange parce qu'il y a effectivement un courant chopinien, si on peut appeler ça comme ça, mais en même temps, Chopin n'a pas fait école. Mmh. Il a eu beaucoup d'élèves mondains essentiellement, peu de professionnels, ou du moins les professionnels n'ont pas forcément eu une carrière très longue après celle de Chopin. Il y a eu des amitiés musicales, il y a des admirations, mais il n'y a pas de descendance Chopin, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de sous-Chopin ou de sur-Chopin. Il est resté un peu tel qu'il apparaît, comme une île isolée. Mmh. Et donc, parmi quand même cette école chopinienne, vous n'auriez pas de nom à nous citer. Alors, je peux vous donner les grandes admirations aux côtés des interprètes, par exemple, un grand pianiste comme Francis Planté. Et au niveau des compositeurs, évidemment, il y a des filiations Liszt en creux et Saint-Saëns dans l'admiration, par exemple. Mm-hmm. Hein, on pourrait jouer un petit jeu comme ça, mais c'est plus un portrait chinois dans ces cas-là. En tout cas, vous qui avez été le commissaire d'une exposition Chopin l'Européen au Château d'Ars en 2010, c'était l'année du bicentenaire de sa naissance. Vous savez que Chopin était écartelé entre différents pays, écartelé entre la Pologne et la France. D'ailleurs, son cœur se trouve en Pologne et son corps se trouve en France. Oui, c'est un écartèlement. Je crois que c'est plutôt un écartèlement idéologique. C'est-à-dire que le combat, parce qu'il y a un combat politique dans l'œuvre de Chopin, va se cristalliser autour du combat de la Pologne qui cherche sa liberté, qui cherche à revivre après avoir été dépecée, et il faudra encore attendre 1917 officiellement, mais bien plus tard, on le sait, pour que la Pologne réexiste. Et c'est le fond du combat de Frédéric Chopin, qui est un combat pour la liberté, et en même temps, il y a une douceur française qui l'accompagne depuis l'enfance. Son père était français, il y avait des cercles français, et bien entendu, à l'inverse, il y avait des cercles polonais en France. Donc il y a toujours c'est un peu un Janus, le Janus de la musique. Parmi les autres pays européens que Chopin a visité, il y a l'Angleterre, puisqu'il a terminé sa vie quasiment oui, à Londres. Et puis, il y a l'Espagne. Et là, ça nous rapproche un petit peu de notre sujet, Jean-Yves Fett. Oui, alors l'Espagne, c'est le flamboiement avec Georges Sand. C'est le grand voyage initiatique de l'ivresse, la course dans les étoiles, a dit Georges Sand. Après des rencontres chaotiques dans les salons parisiens, particulièrement autour de Franz Liszt et Marie Dagou, il y a eu cette échappée à Majorque pour y trouver un été loin de tous et un été tardif. C'est-à-dire que la comtesse Mariani, qui connaissait bien l'Espagne pour cause, était persuadé que l'hiver à Majorque serait une sorte de printemps parisien. Et Georges Sand et Frédéric Chopin y ont cru. Et Georges est parti de son côté avec ses enfants. Frédéric est arrivé, ils se sont retrouvés. Et là, malheureusement, je crois que ça a été... On parle d'un des hivers les pires que l'île ait connu. Donc le printemps parisien s'est mué en hiver et il n'était pas préparé. Du coup, alors qu'il pense vivre une expérience romantique, une expérience rousseauiste, proche de la nature... Non, c'est plutôt côté vampire, là, qu'on va aller. C'est plutôt du romantisme anglais. Oui, c'est une catastrophe. Chopin va tomber malade, donc il était déjà affaibli par ce que l'on pense être une tuberculose péricardiale. Il va attraper une bronchite ou une pneumonie, on ne sait pas très bien. Les médecins viennent à son chevet, le déclarent mort alors qu'il respirait encore. Ils sont chassés de la première maison qu'ils ont trouvée, Sonnevent. Ils sont obligés de dédommager le seigneur Gomez du mobilier qu'il faudra brûler, des literies, etc. Et il trouve refuge dans un couvent, une ancienne chartreuse abandonnée, même de Dieu, semble-t-il, hein, puisque des fantômes errent dans les couloirs. Et donc ça va être une expérience assez traumatisante. Frédéric Chopin a la fièvre, Frédéric Chopin est de plus en plus mal à l'aise, et en plus ils sont perçus comme des étrangers. Mais pire que tout, comme de mauvais étrangers. C'est-à-dire que c'est un couple étrange. Ils ne sont pas mariés, ils fréquentent pas l'église. Elle a des enfants dont on ne sait pas qui. Elle est plus âgée. Lui est souffreteux et n'a pas l'air très engagé dans la vie, ni de diriger quoi que ce soit. Bon, il est malade. Et tout ça va fortement déplaire. Et Georges Sand et Frédéric Chopin recevront même des cailloux. Enfin, on va leur jeter des pierres sur le passage. Ils seront volés en permanence. Enfin, il faut lire le Un hiver à Majorque, le petit opuscule que Georges Sand a écrit. Je crois que Majorque s'en remet seulement de cette description absolument apocalyptique. C'est quand même l'aube d'un amour, c'est le début. C'est comme disait Picasso, c'est dans les commencements que tout est beau, et là tout est beau. Même si la maladie est là, même si le climat est catastrophique, même s'il y a les vols et tout, c'est beau, ils sont heureux. Alors on va revenir un petit peu en France, et notamment à Nohant, qui est donc cette maison de Georges Sand, où Chopin a beaucoup composé. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu de ce coin-là? On a le sentiment que vous le connaissez bien, Jean-Yves Pacte. Oui, alors je le connais bien parce que j'en suis voisin et que je pourrais même presque dire habitant moral. Vous avez écrit sur les intérieurs secrets en Berry, oui. Aux éditions Les Ardents éditeurs. Vous avez aussi écrit sur la ville de Bourges aux oui. éditions Lancôme. Ah, mais, et j'ai même écrit sur George Sand, un album George Sand, qui est consacré justement à cette maison, enfin, bon, qui tourne beaucoup autour de cette maison. Pour George Sand, clairement, Nohant, c'est plus qu'une maison, c'est son cœur en pierre, c'est son refuge, c'est la maison pour laquelle elle a lutté le plus et dans laquelle elle va s'investir le plus. C'est la maison, c'est une maison médicament presque. Elle raconte que lorsqu'elle est revenue d'Espagne avec ses parents, un peu en 1808, c'était une année horrible, ils sont couverts de galles, son petit frère va mourir en arrivant à Nohant, etc. Elle dit cette phrase, j'ai repris mes sens en arrivant à Nohant. Et on sent que cette phrase, c'est la devise de Nohant, c'est les lettres de feu qui accueillent George Sand à chaque fois qu'elle revient chez elle. Elle reprend ses sens. Et elle y viendra tellement qu'elle finira par s'établir et qu'elle mourra même à Nohant. Et c'est pour elle le lieu essentiel, c'est là où son cœur bat, au plus proche du cœur non seulement de la nature, mais des hommes. Et là aussi, ce qu'elle partage avec Frédéric Chopin, de la liberté. Donc elle a beaucoup écrit. Tandis que Chopin a beaucoup composé. Oui, alors il y a des souvenirs charmants qu'elle raconte dans Histoire de ma vie ou dans, qu'on peut lire dans quelques lettres, en particulier à Pauline Viardot, où elle dit que ni Chopin ni elle n'ont de secret l'un pour l'autre, qu'ils se comprennent sans se parler. Elle lui lit tout ce qu'elle écrit, ils en discutent, on ne sait pas comment. En peu de mots, mais l'essentiel est dit, et elle reçoit son œuvre directement en tant que première auditrice et dédicataire universelle. Parce qu'on peut penser que Chopin a eu une influence sur l'écriture ou sur les sujets abordés par George Sand. Je ne saurais répondre directement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Chopin ne partageait pas toutes les idées ni tous les sujets d'Aurore, puisqu'il l'appelait Aurore, il n'appelait jamais George, et qu'il y avait des discussions à perte de vue. Alors après, je ne sais pas s'il a pu influencer directement la femme écrivain qu'elle était, parce que c'est son domaine. Et de même, elle n'a certainement pas influencé directement la musique de Chopin, mais elle l'a beaucoup aidé à formaliser sa pensée musicale en lui offrant le calme, la sérénité et même parfois en l'arrachant à la douleur de composer. Vous disiez en introduction qu'il gommait presque trois lignes sur quatre. C'est elle en fait, c'est une citation de Sand que je n'ai pas citée. Elle arrive par moments, quand elle voit que c'est horrible, elle arrive à l'arracher, elle lui propose des divertissements, des promenades, enfin un monde extérieur, elle l'emmène dans son monde à elle, et lorsqu'il réintègre son monde à lui, il y a une sorte de ménage moral qui a été fait et les choses viennent. Ici une mazurka, la numéro 2, en mi mineur, c'est l'opus 41, interprété ici par Yves Henry et composé à Nohant lors du premier été qu'ils ont passé là-bas. Il a donc fallu partir d'abord en Espagne et ensuite, l'été d'après, tirer les conclusions de ce voyage raté et revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire au Berry. Oui, pour George Sand, ouvrir sa maison, c'est ouvrir son cœur. Hein. On revient toujours dans cette sentimentalité, mais avec une majuscule pour George Sand. Et ouvrir la maison, c'est aussi y faire entrer la musique. Et pour George Sand, c'est très facile. Sa grand-mère était musicienne, harpiste, claveciniste, puis pianofortiste. Elle-même a appris à jouer de l'harpe et du piano. Elle a reçu une éducation très complète. Elle était déjà très amie avec Franz Liszt. Franz Liszt était venu avec son piano et avait travaillé à Nohant aussi. Il se déplaçait avec son piano alors. Oui, enfin, il y a eu un piano qui avait été apporté pour lui. Et là, il y a des rendez-vous qui sont pris, là, la première année par George Sand et ensuite par Frédéric Chopin, avec le facteur de piano Pleyel, facteur d'élection pour Frédéric Chopin. Et on livre un ou deux pianos chaque année à Nohant, un piano à queue dans la chambre du compositeur, c'est l'instrument par excellence, instrument de travail, et un piano droit qu'on appelle un pianino, que l'on descendra dans le salon. Donc cette maison s'ouvre vraiment pour Frédéric Chopin en l'accueillant comme un bloc avec non seulement sa personnalité d'être aimé et d'être aimant, car il ne faut pas gommer ça non plus chez Frédéric Chopin, et bien entendu son monde sonore, le monde de son travail. Que George Sand respecte éminemment. Vous avez raison de le préciser parce que on a toujours l'impression d'une sorte de dissymétrie amoureuse dans ce couple avec une George Sand qui serait une maman et un Chopin plus fragile. Oui, c'est l'histoire revisitée, c'est-à-dire que George Sand a beaucoup parlé de Chopin après la rupture, en particulier dans l'histoire de ma vie. Et donc forcément, on sait bien ce qu'il en est. Quand une rupture survient dans un couple, il y a un certain parti qui se dégage. Mais si on regarde, par exemple, la vie de Frédéric Chopin, qui sera beaucoup moins longue que celle de George Sand, jusqu'au bout, jusque sur son lit de mort, il attend des nouvelles de Madame Sand. Mmh. Donc, il faut corriger quand même. Cet amour de Chopin est réel et profond. Alors, ce qu'on a entendu à l'instant, Jean-Yves Pat, c'est justement extrait de l'un des quatre CD que vous avez regroupé dans le livre « Les étés de Frédéric Chopin à Nohant ». Je l'ai dit, l'interprétation est de Yves Henry. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur la manière d'interpréter Chopin? On en a déjà parlé mardi dernier, mais vous qui devez aller au festival Chopin de Nohant à peu près tous les ans, j'imagine, ou assez régulièrement, et puis qui est un chopinologue, vous devez avoir votre avis. Oui, j'ai un avis, évidemment. Je crois qu'il y a beaucoup de folklore autour de Frédéric Chopin, qui est un folklore dont on a hérité et dont on finit par se débarrasser depuis quelques années. Chopin est mort jeune. Et beaucoup de ses amis, de ses contemporains ont survécu, des amis pianistes aussi, et on a interprété Chopin de manière de plus en plus nostalgique. Parce que c'est un peu la jeunesse qui s'enfuit, c'est un monde perdu, et puis on va chercher des intentions dans la musique de Chopin, et ça finit par donner un romantisme au carré. Il y a quelque chose d'un peu pathétique, on sait que Chopin a souffert, qu'il avait souffle court, etc. etc. Mm-hmm. Bon. Et tout ça est arrivé jusqu'à nous, un peu momifié parfois par certains grands concours, par certains grands interprètes, quelques-uns de génie, d'autres des suiveurs. Et puis, le temps a passé, l'évolution des pianos, la manière de lire la musique, la résurrection du baroque aussi est passée par là. Et la relecture de George Sand, de Frédéric Chopin lui-même, il a écrit trois volumes de correspondance très importants, et de quelques témoins. Donc la relecture, non pas de la musique, mais des textes. Cette fois de ces textes. Nous ont fait comprendre que Chopin est peut-être un être souffrant, en tant qu'humain, mais que sa musique ne l'est pas. Que c'est une musique profondément révolutionnaire, bouleversante. Schumann dit « un canon sous les roses », par exemple. Et qu'il y a peut-être une erreur à vouloir tirer un romantisme chlorotique de ces partitions, et qu'il faut peut-être revenir à l'essence même de ce qui a motivé Chopin, c'est un climat d'urgence et de conquête. Mm-hmm. Le romantisme, le premier romantisme du moins, est l'âge des conquêtes. Après 1848, c'est l'âge des regrets. Mais toute la vie de Chopin, c'est l'âge de la conquête. Et donc, l'interprétation de Chopin, c'est une sorte de fougue, d'ardeur, d'inquiétude, mais une inquiétude motivée, pas une inquiétude morbide. Mm-hmm. C'est le désir d'aller plus loin, de marteler une vérité, ou de faire en sorte de marteler des carapaces pour que les cœurs s'ouvrent. On en revient toujours à cette notion. Et je crois que maintenant, on redécouvre Chopin, un Chopin beaucoup plus vivant que le cher cadavre dont Georges Sand parle parfois. Et alors, comment est-ce qu'on l'écoute, Chopin, selon vous? Comment faut-il ou devrait-on l'écouter? D'abord, on ne devrait écouter que ça. Non, comment devrait-on écouter Chopin? Je crois qu'il ne faut pas avoir d'a priori. Chopin, c'est une musique qui vous possède, qui vous enivre, qui peut vous laisser indifférent, parfois. Mais lorsque il a fait son chemin, Chopin, hein, sa musique, sa pensée a fait Chopin, a fait cours jusqu'à votre âme, vous ne pouvez plus vous en défaire. Vous entrez dans un monde où vos certitudes peuvent basculer parce qu'elles sont d'abord un peu bercées, un peu confortées, et puis d'un seul coup, c'est très inconfortable et vous êtes obligé de vous demander pourquoi. Ce Chopin est un ange. Sa bonté, sa tendresse et sa patience m'inquiètent quelquefois. Je m'imagine que c'est une organisation trop fine, trop exquise et trop parfaite pour vivre longtemps de notre grosse et lourde vie terrestre. Il a fait à Majorque, étant malade à mourir, de la musique qui sentait le paradis à plein nez. Mais je me suis tellement habituée à le voir dans le ciel qu'il ne me semble pas que sa vie ou sa mort prouve quelque chose pour lui. Il ne sait pas bien lui-même dans quelle planète il existe. Il ne se rend aucun compte de la vie comme nous la concevons et comme nous la sentons. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Cette lecture par Emmanuel Riva d'un extrait d'une lettre de Georges Sand à la comtesse de Mariani qui vous faisait beaucoup rire, Jean-Yves Pat. Oui, parce que Ernest Le Gouvet, qui est un ami de Frédéric Chopin, dit exactement l'inverse. C'est ça qui est drôle, Georges Sand considère que c'est déjà un esprit supérieur, une organisation immatérielle, et Ernest Le Gouvet, au contraire, qui était aussi ami de Berlioz, donc qui était très... qui n'est pas un découvreur comme ça de Chopin, un de ces mondains qui va découvrir Chopin, c'est vraiment un ami des musiciens, un ami des arts, parle d'un Chopin très engagé et dit que lorsqu'il jouait, on sentait que sa vie s'écoulait et qu'il y avait quelque chose de dramatiquement lié à une vie terrestre dont il devait communiquer l'essence même aux autres. Mmh. Donc c'est assez étonnant de voir cet équilibre instable entre une Georges Sand, peut-être parce qu'elle est amoureuse et parce qu'elle est inquiète pour Frédéric Chopin qui a une santé fragile, et en même temps un ensemble de musiciens, dont Berlioz, dont ce fameux Le Gouvet, qui admire l'extrême force de caractère, l'extrême vitalité de Frédéric Chopin dans ce don total et absolu, et même inquiétant, dans une certaine mesure, de Chopin lui-même, au travers du corps de Chopin, au travers de son œuvre presque christique. Pourquoi inquiétant? Parce que la description de Le Gouvet parle d'un musicien dont le souffle devient court, les lèvres s'empourprent, ce qui tend à prouver cette asphyxie qui est toujours présente chez Chopin, les yeux qui se cernent de noir, et c'est une sorte d'effondrement du corps au profit des mains et du piano et de la musique. Il y a presque une volonté, une transmutation, si je puis dire, de tout ce qui fait la vie de Chopin dans ce monde extérieur qu'est la musique. Alors, on n'a pas dit comment Chopin et Sand s'étaient rencontrés. D'abord, ils se voient une première fois en 1836, c'est d'ailleurs l'année où Chopin rencontre Delacroix. Dans quelles circonstances? Ils se rencontrent autour de Franz Liszt, hein, autour de Franz Liszt et Marie Dagout, qui est un couple scandaleux aussi. Donc, c'est un monde très à part, le monde de Franz Liszt à Paris. C'est vraiment le monde des artistes romantiques. C'est ceux qui ont tout jeté pour pouvoir donner. On se retrouve toujours dans cette notion du don intégral et où le moi devient la mesure des choses nouvelles que l'on attend, que l'on espère dans cette époque du premier romantisme. Et Georges Sand est une femme scandaleuse. Marie Dagout, qui n'a pas grand-chose à dire pourtant, dans ce domaine, dit qu'elle est prête de devenir une dame du ruisseau, en parlant de son ami Georges Sand. Donc, on voit bien, c'est un monde à la fois fragile, fragile et exalté. Et Frédéric Chopin arrive avec ses airs un peu de, alors là pour le coup je rejoins Georges Sand, avec ses airs un peu de prince en exil, il rencontre Georges Sand et il se demande qui est cette personne, quel homme peut-être cette femme, et la réponse de Georges Sand une fois est à l'inverse en disant mais quelle femme est donc cet homme, enfin en gros hein, c'est l'histoire. Il y a une sorte de gouffre qui les sépare. Ils écrivent chacun de leur côté à des amis. Et ils s'envoient des billets. Pas tout de suite. Alors après, avec Marie Dorval, il y a des choses qui commencent à être un peu plus de l'ordre de l'émotion. Mais je crois que c'est une émotion qui naît de l'art. C'est d'abord une espèce de vibration artistique qui va faire que chez Georges Sand, il y a la conscience d'être en présence d'un être extraordinaire qu'elle ne maîtrise pas, dont elle ne maîtrise pas ni l'étendue, ni le volume, ni rien, mais il y a quelque chose d'exceptionnel. Et Frédéric Chopin aura le même parcours à l'inverse, c'est-à-dire que derrière une carapace tout à fait déplaisante de premier abord, il va finir par découvrir la flamme qui anime Georges Sand. Et c'est là, tout doucement, au travers de petits billets, de petites rencontres, de confidences, de demi-confidences, que finalement les mots définitifs vont être dits. Et puis Frédéric Chopin vit à ce moment-là une rupture sentimentale avec Marie Wodzinska aussi. Donc il n'est peut-être pas si immédiatement sensible à un nouveau départ amoureux. Alors que Georges Sand, elle, papillonne d'un amour éphémère à un autre amour éphémère. Oui, il y a des choses très drôles. Malfille sortant de chez Georges Sand alors que Chopin va arriver et ils ont été sauvés l'un de l'autre par un fiacre qui passait à ce moment-là. Enfin, on a parfois l'impression d'un vaudeville. Ça aurait pu être une amourette passagère, mais ce qu'avait Malfille peut-être d'extraordinaire à l'horizontale et que Chopin n'avait pas, Malfille ne l'avait certainement pas en esprit. En tous les cas, le caractère éblouissant de Frédéric Chopin. Donc, il y a un moment, les mots se taisent. Donc, il avait 28 ans. Oui. Ils resteront ensemble pendant 9 ans. Pendant 9 années, oui. 9 années d'un voyage qui s'arrête brutalement sur un malentendu. Et on a longtemps dit que Georges Sand se lassait à mesure de Frédéric Chopin, mais ce n'est pas si vrai que ça. Les dernières lettres de 46 et les rencontres avec les amis montrent qu'il y avait encore une parfaite intelligence entre eux, intelligence sentimentale entre eux. Alors ça se passe beaucoup à Nohant, cet amour. Nohant, il faut y aller déjà. C'est pas si simple. Oui. C'est pas comme aujourd'hui. Non, alors aujourd'hui, non, c'est une demi-journée de voiture. À l'époque, c'est une véritable expédition. On prend la voiture de poste qui s'en va par la place d'Italie. On descend, on s'arrête à Orléans. On passe une nuit dans les auberges. Ensuite, on reprend la voiture. On fait une halte à Vierzon. De nouveau, une voiture emmène jusqu'à Châteauroux. Et là, il y a deux solutions en fonction de l'heure d'arrivée. On dort à Châteauroux ou si l'arrivée se fait matinalement, il y a une voiture envoyée de Nohant par Georges Sand et c'est encore une journée, presque une petite journée, pour se rendre à Nohant. S'il ne pleut pas trop et qu'il n'y a pas trop de boue. Oui, alors il y a eu des années où les voitures s'embourbaient. Donc c'est pourquoi Georges Sand choisit l'été. Alors l'été, c'est une saison au sens large. Ça commence au mois de mai, ça se termine au mois d'octobre. Disons que c'est les beaux jours. Parce que bon, les grandes inondations sont à peu près terminées et surtout la maison va retrouver une température convenable. La maison qui est un petit château. Alors on arrive quand même à faire venir un certain nombre de gens, des écrivains, des artistes. Balzac par exemple est passé à Nohant, Liszt évidemment, mais aussi Delacroix. Quelle est l'atmosphère de toutes ces réunions? Alors c'est qu'il y a d'absolument extraordinaire, c'est que Nohant, c'est un petit Paris, mais avec quelque chose en plus, la liberté. La liberté parce qu'on est sur place et que Georges Sand, en maîtresse de maison extrêmement généreuse, pourvoit à tout, au confort matériel et moral de tous ses invités. C'est une villégiature extraordinaire, Nohant. Donc on n'y vient pas pour 2 jours comme aujourd'hui, on peut le faire. Et il n'y a pas de surveillance. On peut parler librement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et c'est une sorte de maison-village, avec toutes ces chambres, côté cour d'honneur ou côté parc, où on peut se rendre sur invitation, on peut toquer même plus ou moins distraitement, et il y a des grandes réunions organisées dans le salon. Donc c'est une ruche, c'est un lieu d'échange intellectuel, et c'est un lieu de rapidité. Tout le monde est là sur place, et c'est les grandes vacances, et en même temps c'est l'émulation du travail de chacun. On lit, on commente les journaux, on discute, on parle des œuvres en cours, on s'interroge sur le bien fondé d'un sujet, tout ça rebondit, et chacun offre à l'autre, dans la plus grande liberté, ses pensées, sa création, ou ses dédains. Et en même temps, il y a des intrigues ? Oui, il y a des petites intrigues, grosso modo. Pas très palpitant. C'est pas important. C'est sans important. Je crois que ça fait partie d'un jeu plus que de défiance, non. Et la porte, elle n'est pas ouverte que aux artistes. Elle est aussi ouverte aux politiques, mais aussi aux gens du cru, non? Alors, la maison est grande ouverte. Alors, les artistes, on vient de les évoquer avec leurs petites querelles ou leurs petits sentiments, ressentis même parfois. Il y a aussi le monde politique qui s'invite, qui est un monde très progressiste. Hein, George Sand ne cache pas, depuis 1830, a fait une espèce de credo républicain, puis ensuite se rapproche des courants socialistes avec Leroux. Elle a une pensée qui va même à un moment tutoyer les premières formes de communisme. Donc elle est partie d'une pensée rousseauiste qu'elle fait évoluer. Donc elle le fait au château de Nohant, enfin, le petit château de Nohant. Oui, château, manoir, comme on veut, un grand domaine en tous les cas. Et elle va recevoir dans cet idéal tout Nohant. Alors, il n'y a pas de domestique à Nohant. Il n'y a que des gens de maison. Mmh. Elle considère que ce sont des aides et que ce n'est pas parce qu'elle est aidée qu'elle est absolument assistée. C'est une nuance très importante à cette époque-là. Elle respecte leur contrat, elle leur offre aussi des compensations amicales. Elle va apprendre à lire, l'une va devenir une actrice en herbe. S'il y a des mariages, s'il y a des fêtes, il y a des présents absolument extraordinaires qui sont offerts. Et Frédéric Chopin va participer à tout ça. Il va aller au mariage, il va aller danser sous les ramées, il écoutera la musique traditionnelle du Berry, et il retrouvera une partie des traditions polonaises, la vieille Europe, et une partie aussi des sonorités polonaises. C'est ça qui va faire aussi que Frédéric Chopin va tant aimer Nohant, tout en disant qu'il ne voulait jamais y aller, bien entendu. Mais alors, parmi ces invités plus politiques, plutôt très à gauche, il y en a qui doivent bien choquer un petit peu Chopin, qui serait plutôt, alors je ne veux pas employer de grands mots, mais enfin, disons plutôt de droite. Est-ce qu'on pourrait dire ça ? Chopin est-il vraiment de droite ? J'en suis pas si certain que ça. Je crois que Chopin est assez détaché de la chose politique, mais il est ouvert aux idées des autres. Et il a été élevé dans un monde très pétri d'aristocratie, ou plutôt d'un art de vivre aristocrate, c'est-à-dire un certain souci de l'ordre des choses, de la bienséance. Mais il sera choqué si la bienséance est froissée. C'est ce que dit George Sand. Il se froisse d'un rien. C'est pour ça qu'il n'aime pas les mal lavés, ce qu'il appelle les mal lavés qui traînent à Nohant. Voilà. Mais en même temps, si ces mal lavés présentent leurs pensées d'une manière correcte et originale, il aura plaisir à les écouter, voire à discuter avec eux. Jean-Yves Patte, on va continuer à raconter avec vous ces étés passés par Chopin à Nohant avec George Sand, juste après le regard sur Chopin également de Nathalie Froloff. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Nathalie Froloff, professeure de lettres en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris et qui vient donc régulièrement évoquer un aspect de nos héros de la semaine. Bonjour Nathalie. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui vous venez nous parler de Chopin et des écrivains. Oui, alors pour prolonger cette émission, j'aurais pu effectivement parler aussi de George Sand ou bien de Gide qui a écrit des notes sur Chopin ou de Proust. Alors Proust qui a joué à reproduire la musique de Chopin dans Un amour de Swann en évoquant des phrases musicales, je cite, au long col sinueux et démesuré, si flexible, si tactile, qui commencent par chercher, essayer leur place en dehors et bien loin de la direction de leur départ. Je coupe la phrase. Voilà, on a un petit peu, j'aurais pu, voilà, parler de Proust, qui parle un petit peu de lui, tout en parlant de Chopin, et qui applique le rubato dont vous avez parlé hier, en ralentissant et en accélérant le rythme de ses phrases. Mais plutôt que de m'intéresser à la littérature, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi de regarder ce que la philosophie disait ou ne disait pas de Chopin. Alors, il y a un très joli livre de François Noudelman qui s'appelle « Le toucher des philosophes » et il étudie justement cette pratique personnelle du piano chez Sartre, Nietzsche et Barthes. Alors c'est assez intéressant parce que de manière paradoxale, il s'intéresse à trois personnages qui ont joué du piano sans nécessairement écrire sur le piano. On a donc une dissociation entre le jeu et l'écriture et qui se voit, je prends l'exemple de Sartre parce qu'il est assez intéressant, Sartre qui adorait Chopin mais qui n'en a pas parlé, il s'est même moqué un petit peu en fait des clichés autour de Chopin, on en parlait à l'instant, associé un petit peu à cette musique romantique. Alors je cite, c'est dans la nausée, les salles de concert regorgent d'humiliés, d'offensés qui les yeux clos cherchent à transformer leur pâle visage en antenne réceptrice. Ils se figurent que les sons captés coulent en eux, doux et nourrissants, et que leur souffrance devienne musique, comme celle du jeune Werther. Ils croient que la beauté leur est compatissante, les cons. C'est François Noudelman qui cite ce passage pour montrer l'hiatus apparent entre un Sartre un peu dur, un peu impitoyable, et un Sartre passionné, emporté par Chopin, ce Chopin qui serait bon pour orner les boîtes de chocolat. C'est un hiatus en fait apparent, car c'est oublier que la nausée aussi devait s'appeler Mélancolia. Mais il y a un autre philosophe contemporain de Sartre qui lui va aussi tâcher d'évoquer la musique de Chopin, mais d'une autre manière. Alors qui est cet autre philosophe, Nathalie ? Alors il s'agit de Jean Kilevitch, dans un tout petit ouvrage qui s'appelle « Le Nocturne ». Alors Jean Kilevitch, il a beaucoup écrit sur la musique, hein, et il a lui-même été un très très grand joueur de piano, et on sent bien justement cette pratique très personnelle des nocturnes de Chopin dans ce qu'il en dit, et pas simplement parce qu'on voit bien qu'il sait lire les notes. Hein. En fait, ce que Jean Kilevitch essaie de faire dans cet ouvrage, c'est de déployer un imaginaire nocturne, de montrer le caractère qu'on pourrait appeler intergénérique du terme nocturne, c'est-à-dire qu'il passe de la littérature à la musique à la peinture. Alors Jean Kilevitch, dans un étoilement de référence, si j'essaie de filer la métaphore nocturne, Jean Kilevitch va convoquer aussi bien Pascal, le Pascal du Mémorial, que la Ronde de nuit de Rembrandt, aussi bien les synesthésies baudelairiennes que la mystique de Saint-Jean de la Croix ou la toile d'araignée du crépuscule qu'on trouve chez Gaspard de la Nuit. En fait, le livre y propose une véritable réflexion qui va au-delà en fait, de la musicologie ou de l'esthétique, tout en les maîtrisant. Il offre une synthèse de la nuit chez Chopin, chez les peintres, chez les poètes, mais il témoigne aussi d'un vrai plaisir à écrire sur les sentiments que suscite la musique de Chopin. Mais il fait plus que cela, Jean Kilevitch, et c'est pour cela que ce petit livre est très intéressant. Le nocturne devient un concept philosophique qui entre en tension avec le jour, et comme il le dit, moi j'aime beaucoup cette citation de manière un peu métaphorique, « Si le jour est le théâtre de l'histoire, la nuit est plutôt le royaume du destin ». Le nocturne renvoie ici à une sorte de nouvelle vie, une vérité libérée de la lucidité, l'aveuglement cartésien. Ce nocturne exprime la complexité du réel, le refus des évidences. Et on peut dire qu'effectivement, Jean Kilevitch y parle de musique, mais en fait, il montre aussi qu'il s'agit là, en parlant de musique, du cœur même de la vie. Car ce petit livre, Le Nocturne, est écrit en 1942, à un moment où le philosophe ne peut plus en fait enseigner, où il doit se cacher à cause des lois contre les Juifs. Et donc Chopin permet en fait à Jean Kilevitch en quelque sorte de survivre, de dévoiler un sens caché des choses, de distinguer l'ineffable de l'innommable et d'espérer, comme il le dit dans la préface, il espère cette certitude d'une aurore au sein de la sombre nuit de notre détresse. Jean-Yves Pat, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse du livre de Jean Kilevitch sur Chopin que vous connaissez forcément ? C'est transparent. C'est vraiment ça dans l'œuvre de Chopin. Le nocturne, c'est le refuge des idées pures, alors que les autres pièces sont des pièces de salon qui sont des pièces d'action. Et vraiment, c'est bien mieux dit, évidemment, chez Jean Kilevitch qu'en trois mots ici. C'est bien dit aussi, grâce à vous, Nathalie Frolov. Merci beaucoup pour votre chronique. À très bientôt. Thank you. C'est bien la compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture. Et l'œuvre qui nous intéresse cette semaine, eh bien, c'est celle de Frédéric Chopin, le compositeur franco-polonais qui vécut 9 années avec l'écrivaine George Sand et composa beaucoup à Nohant, dans la propriété de celle-ci, où venaient les rejoindre de nombreux amis, on l'a dit, comme le peintre Delacroix. Delacroix établit une comparaison entre les tons de la peinture et les sons de la musique. Il y a dans la couleur des mystères insondables, des tons produits par relations qui n'ont pas de nom et qui n'existent sur aucune palette. Chopin n'écoute plus. Il est au piano et il ne s'aperçoit pas qu'on l'écoute. Il improvise comme au hasard. Il s'arrête. Ce n'est pas commencé, rien ne me vient. Rien que des reflets, des ombres, des reliefs qui ne veulent pas se fixer. Je cherche la couleur, je ne trouve même pas le dessin. Vous ne trouverez pas l'un sans l'autre, reprend Delacroix, et vous allez les trouver tous les deux. Mais si je ne trouve que le clair de lune, vous aurez trouvé le reflet d'un reflet, répond Maurice Dudevant. L'idée plaît au divin artiste. Il reprend, sans avoir l'air de recommencer, tant son dessin est vague et comme incertain. Nos yeux se remplissent de teintes douces qui correspondent aux suaves modulations saisies par le sens auditif. Et puis la note bleue résonne et nous voilà dans l'azur de la nuit transparente. Des nuages légers prennent toutes les formes de la fantaisie. Ils remplissent le ciel. Ils viennent se presser autour de la lune qui leur jette de grands disques d'opale et réveille la couleur endormie. Nous rêvons d'une nuit d'été. Nous attendons le rossignol. Un chant sublime s'élève. Extrait d'impressions et souvenirs de George Sand lu par Vanda Benes. C'est vrai que ce dialogue, tel que réinventé, réécrit par George Sand entre deux très grands artistes, donc trois grands artistes rassemblés là, est tout à fait merveilleux, fantastique. On imagine que c'était ça l'atmosphère de Nohant, ce mélange finalement de tous les arts, ce dialogue permanent entre tous les arts. C'est ça le meilleur de Nohant. Oui, c'est immanquablement. Et puis, en plus, là, on est dans la quintessence, parce que Delacroix, c'est vraiment le grand ami de Frédéric Chopin, et réciproquement. Ils passent leur journée à discuter. Ils passent leur journée à discuter. Delacroix fait rouler des boules de billard, apparemment, pendant des heures aussi, pour nourrir ses réflexions, et ensuite, il retrouve Chopin. Il y a dans les carnets de Delacroix, on a envie d'être à Nohant à cette époque-là. Enfin, c'est horrible. C'est une torture. Mais c'est le meilleur du meilleur. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en même temps, Chopin n'aimait pas la peinture de Delacroix. Il aimait beaucoup la personnalité, il aimait beaucoup l'engagement de l'artiste, il aimait beaucoup ses recherches, il aimait beaucoup les discussions sans fin sur les couleurs et les reflets, sur tout ça. Mais en même temps, il ne comprenait pas le résultat des méditations de Delacroix. Pour quelle raison, selon vous ? Je pense que ça, on en revient un petit peu à un sujet mondain, c'est-à-dire que la peinture de Delacroix n'est pas polissée, elle a quelque chose du cri immédiat que Chopin a toujours cherché à dissimuler, lui. J'en reviens à l'idée du canon sous les roses. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment. Il n'y a pas de rose chez Delacroix. Il n'y a pas de rose chez Delacroix. Il y a des couleurs heurtées. Oui, il y a des couleurs heurtées. La violence du monde, des sentiments, s'exprime immédiatement. Et c'est pour ça, c'est intolérable chez Chopin, évidemment. Il y a un tableau célèbre de Delacroix qui représente Sand et Chopin, qui a été, je crois, découpé. Qui a été découpé. Oui. Et dont la moitié se trouve au Louvre et l'autre moitié à Copenhague. C'est ça, oui. C'est le grand tableau qui a été réalisé dans l'atelier de Delacroix. Delacroix avait fait livrer, il s'était assuré de la complicité de Camille Pleyel, qui avait fait livrer un piano droit. Et il y avait Georges debout derrière Frédéric Chopin et Chopin assis au piano et tous deux Georges regardait l'œuvre de Chopin en cours, un peu comme on vient de l'entendre, en cours de création, cette improvisation géniale, et Chopin nous regarde sans nous voir. Il y a une espèce d'absence du regard. Bon, le tableau n'a pas plu ni à Chopin ni trop à Georges Sand d'ailleurs, à Delacroix non plus, et ensuite il a été découpé pour avoir des portraits des amants séparés. C'est un tableau assez extravagant que Maurice Sand, donc Maurice Dudevant... Alors voilà un nouveau personnage dont il faut parler, voilà, le fils de Georges Sand. Maurice Le Bouly a connu, puisque dans Horace, je crois, un des romans plus tardifs de Georges Sand, qu'il a été chargé d'illustrer, il y a une représentation grinçante de ce tableau, où on voit le prince, alors je ne me souviens plus exactement du passage, enfin toujours est-il que c'est un moment de rupture, et c'est la femme, évidemment, qui prend l'initiative de cette rupture. Et la femme est debout, devant une cheminée qui ressemble étonnamment à un piano Pleyel, avec un homme brisé, assis. Et c'est la composition du tableau de Delacroix, mais grimaçante, évidemment. Alors Chopin n'aime pas toujours beaucoup la compagnie de Maurice Dudevant. Et réciproquement. Comment se passe la cohabitation ? Bon, comment se passe-t-elle ? D'abord, Maurice est un enfant. Lors du début de la liaison de Georges Sand avec Frédéric Chopin, c'est un enfant qui en a déjà beaucoup vu. Et il a vécu en direct le drame de la séparation de ses parents. Et ensuite, il a vu Georges Sand papillonner, il a vu sa mère traîner dans la boue. Il a un rapport très immédiat avec sa mère. Un rapport même parfois troublant de camaraderie. Il ose lui dire des choses qu'aucun enfant. Enfin, il ne fait pas très tôt d'une certaine maturité. Et puis, c'est un peu... cette maturité va être prise au rebond par Georges Sand, qui va voir dans Maurice sa prolongation. Du coup, elle aura quatre mains, elle aura quatre yeux, elle aura quatre jambes. Et il va être investi d'une mission... de prolongateur universel, de miroir par sa mère. C'est assez troublant. Il y a un côté extrêmement possessif chez Georges Sand. Donc il y a une relation comme ça, mère-fils, voilà, qui est très forte. Il n'y a pas de place pour Chopin. Il n'y a pas de place pour Chopin. En revanche, il y a peut-être de la place pour Chopin dans l'affection de la fille de Georges Sand, Solange. Alors Solange Sand n'est pas une pâte molle, contrairement à Maurice. Alors, je vais faire hurler tous les Sandiens, mais je schématise. Solange est certainement plus du côté de la pensée de Georges. Elle est plus romanesque au sens, encore une fois, noble du terme. Elle a une imagination vagabonde. Elle découvre avec émerveillement, et un émerveillement qui parfois agace Georges, qui la traite de grosse sotte, de fille bête, etc. Elle a une espèce de mépris immédiat pour la pensée de Solange. Et Solange va se tourner vers Frédéric Chopin, qui comprend cet enfant, qui comprend sa lenteur méditative, qui n'est pas une bêtise, mais qui est une lenteur méditative, et qui se rend bien compte qu'il y a un drame qui est en train de se jouer. D'ailleurs, ça sera aussi le drame de la liaison. Et il y a une sorte de rapport filial qui va s'établir entre Solange et Frédéric. Et ça va beaucoup énerver Maurice, évidemment. Sa création était spontanée, miraculeuse. Il l'a trouvée sans la chercher, sans la prévoir. Elle venait sur son piano, soudaine, complète, sublime, où elle se chantait dans sa tête pendant une promenade, et il avait hâte de se la faire entendre à lui-même en la jetant sur l'instrument. Mais alors commençait le labeur le plus navrant auquel j'ai jamais assisté. C'était une suite d'efforts, d'irrésolutions et d'impatience pour ressaisir certains détails du thème de son audition. Ce qu'il avait conçu tout d'une pièce, il l'analysait trop en voulant l'écrire, et son regret de ne pas le retrouver net, selon lui, le jetait dans une sorte de désespoir. Il s'enfermait dans sa chambre des journées entières, pleurant, marchant, brisant ses plumes, répétant et changeant 100 fois une mesure, l'écrivant et l'effaçant autant de fois, et recommençant le lendemain avec une persévérance minutieuse et désespérée. Il passait 6 semaines sur une page pour en revenir à l'écrire tel qu'il l'avait tracé du premier jet. D'être à Nohant, avez-vous dit tout à l'heure Jean-Yves Patte. Peut-être pas toujours. Et Chopin, peut-être pas toujours non plus. Il y a une grande difficulté à choisir. Est-on mieux à Paris ? Est-on mieux à Nohant ? Et finalement, quand on y est, est-ce qu'on s'y trouve comme on voudrait ? Ah, ça c'est une question... C'est la question, en fait, de Nohant pour Chopin. Chopin voulait toujours Nohant, il ne voulait jamais Nohant. C'est aussi une phrase écrite par George Sand. Mais dans des lettres à ses amis, je crois à Ximawa, Chopin dit « Je ne peux pas travailler à Paris, il faut que je sois à Nohant ». Bon, et on trouve toujours tout et son contraire. La vérité, c'est que la vie parisienne fascine Chopin. Il épuise en même temps. Il va à l'opéra, il va au concert, il donne ses leçons. Il est très mondain, il reçoit, il est reçu, il est fêté. C'est vraiment le musicien, un des musiciens les plus fêtés de Paris. Donc c'est une vie exaltante à laquelle on conçoit bien. On a du mal à s'arracher. Et en même temps, malgré tout le confort matériel dont il peut profiter, hein, dans ses appartements ou dans ce petit appartement qu'il a non loin de chez George Sand, qui est consacré uniquement au travail et à l'étude, il lui manque toujours du temps. Il y a toujours quelque chose qui le dérange. Il a un secrétaire qui travaille pour lui, Julien Fontana, mais il n'a pas le temps de travailler. Alors, il lui faut s'en aller. Et c'est à Nohant qu'il va prendre le temps de travailler. Et le temps aussi de la promenade. A l'impression, en écoutant l'archive qu'on vient d'entendre, c'était un extrait d'Histoire de ma vie de George Sand, que c'est en marchant que la composition se fait d'abord. George Sand est une femme d'action. Son œuvre est une œuvre active en permanence. Elle-même réfléchit en marchant et écrit en comptant. On le sait, elle avait ses papiers bien réglés, ses feuilles pliées. Elle savait que tel nombre de lignes, c'est une feuilletoniste au départ. Hein. Et donc, elle a une espèce de mécanique de l'écriture. Et cette mécanique de l'écriture, elle l'a aussi dans le corps. Elle a besoin de s'activer, elle le dit. Elle l'écrit très bien en parlant d'elle. Elle a besoin de faire du jardinage, elle a besoin de marcher, elle a besoin de courir, elle a besoin de sauter. Elle est d'une nature, d'une robustesse extraordinaire. Et Chopin est beaucoup plus fragile et moins enclin aussi à se promener dans la nature. C'est pour ça qu'il monte sur un âne et oui. elle marche Alors, à côté. Il monte sur l'âne et elle marche à ses côtés. Chopin est l'homme des salons et donc la campagne l'effraie. Et surtout, je crois que elle l'effraie parce que c'est un lieu où il n'y a rien à faire. Alors comme il n'y a rien à faire, il se replie encore plus dans son monde. Et la suite de la lettre, de l'extrait, pardon, d'Histoire de ma vie, dit que George Sand dit que lorsqu'il en arrive à ce point d'irrésolution, elle essaye de l'arracher par tous les moyens, qu'ils vont passer 2-3 jours, ils vont se baigner à la rivière, visiter un site, etc. À la mare au diable. À la mare au diable, pourquoi pas. Et il revient comme ragaillardi, rajeuni, elle dit ça avec un certain clin d'œil, et d'un seul coup, il retrouve toutes ses capacités et le dessin de l'œuvre sort tout net. Voilà. Pour elle, la vertu de la campagne et de la marche, c'est ça, c'est de laver l'esprit. Ce que j'avais redouté pas assez, malheureusement, arriva. Il se démoralisa d'une manière complète. Supportant la souffrance avec assez de courage, il ne pouvait vaincre l'inquiétude de son imagination. Le cloître était pour lui plein de terreur et de fantômes, même quand il se portait bien. Il ne le disait pas et il me fallut le deviner. Au retour de mes explorations nocturnes dans les ruines avec mes enfants, je le trouvais à 10 heures du soir, pâle, devant son piano, les yeux hagards et les cheveux comme dressés sur sa tête. Il lui fallait quelques instants pour nous reconnaître. Il faisait ensuite un effort pour rire et il nous jouait des choses sublimes qu'il venait de composer, ou pour mieux dire, des idées terribles et déchirantes qui venaient de s'emparer de lui, comme à son insu, dans cette heure de solitude, de tristesse et d'effroi. C'est là qu'il a composé les plus belles de ces courtes pages qu'il intitulait modestement des préludes. Ce sont des chefs-d'œuvre. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors, on n'a pas fait la narration des étés les uns après les autres. On aurait pu raconter, Jean-Yves Patte, que le premier été est sans doute plus joyeux, plus gai qu'il y a par Chopin, la découverte de cet endroit qui va beaucoup lui plaire, que le second été est marqué par la pluie, par une certaine forme de mélancolie. Chacun de ces moments a une couleur particulière. Oui, c'est l'état d'âme. C'est très difficile de répondre à ça, d'abord parce que ce sont des étés qui durent presque 6 mois. Et les lettres de Chopin ne sont pas toujours en accord avec les souvenirs de George Sand. Alors il y a les lettres qu'il écrit à sa famille où tout va bien, en permanence. Bon, celles-là on peut les laisser de côté, c'est une sorte de bulletin officiel. Et puis il y a les lettres à sa sœur, à ses amis, où on a les correspondances croisées. En fait c'est comme vous et moi, il y a des semaines où ça va, des jours où ça va, et puis d'autres jours où ça va pas du tout. Voilà. Il est vrai que la santé de Chopin va aller déclinant, mais je ne crois pas que ce soit vraiment le sujet. L'œuvre de Chopin, à l'inverse, va croissant. Et c'est à Nohant qu'il compose les plus belles pièces. C'est à Nohant qu'on rit le plus aussi. Il y a des récits absolument échevelés de la naissance, par exemple, du théâtre à Nohant, du théâtre de marionnettes de Maurice Sand et du théâtre tout court de George Sand. Il y a des soirées où il pastiche ses collègues pianistes, où il imite la vieille anglaise souffroteuse, etc. Donc il y a Et puis il y a des étés dramatiques, comme en 44, où il apprend la nouvelle de la disparition de son père, et où sa sœur et son beau-frère viennent lui rendre visite. Son évidemment, père qui est mort en regardant un portrait de son fils. Dit-on, oui. Il y a forcément des tonalités différentes. George Sand a laissé un portrait de Chopin en homme de plus en plus malade, de plus en plus fragile. C'est un portrait, encore une fois, j'insiste, écrit après la rupture. Si on reprend, autant que faire se peut, les sources de Pendant... C'est pas si transparent que ça. De fait, il est mort assez peu de temps après cette rupture. Oui, oui, il survit 2 ans en gros, hein, 2 ans dont une année terrible passée en Angleterre, où là vraiment sa santé va s'altérer, à la fois pour des raisons morales et pour des raisons climatologiques aussi. Mais Chopin s'exclut lui-même. Il se sent quand il se sent trop fragile, il s'exclut. Ça, George Sand le note comme une espèce de retrait, et Chopin en parle plus comme un don. C'est-à-dire qu'il ne veut pas déranger les enfants qui ont besoin de courir, ce qu'il appelle les jeunes gens, qui ont besoin de se retrouver, de sauter dans la rivière, etc. Lui, il ne pourra pas, il sera un poids. Il ne veut pas. La rupture, on a l'impression que c'est presque un malentendu, que George Sand prend le prétexte du mariage de sa fille pour s'éloigner de Chopin, et ensuite on a l'impression qu'elle le regrette presque immédiatement. Là, on touche peut-être à la partie la plus sombre du caractère de George Sand, qui est né comme beaucoup d'obscurité dans le trait de lumière. C'est-à-dire qu'elle a lutté toute sa vie pour son indépendance, pour conserver son domaine, pour être maîtresse chez elle, hein, dans un sens presque ancien régime de la chose. Sa petite fille, Aurore Sand, parlera de sa grand-mère comme d'une aristocrate. Donc tout est dit dans ce mot. Et la rupture, effectivement, vient de ce que Chopin prévient George Sand, que le mariage qu'elle a projeté pour sa fille, elle qui a tellement choisi ses amants et sa vie, impose des mariages à ses enfants, n'est peut-être pas le plus heureux. Et là, George Sand est net en disant qu'on n'a pas à intervenir chez elle, qu'elle entend rester maîtresse chez elle, et que si on n'est pas content, on s'en va. Chopin s'en va sur un espèce de petit malentendu, et ce malentendu sera hélas définitif. Merci beaucoup Jean-Yves Pat. Je rappelle que vous êtes l'auteur notamment du livre Les Promenades de Frédéric Chopin, mais également de cet autre livre qui s'appelle Les Étés de Frédéric Chopin à Nohant, publié en 2009 aux éditions du Patrimoine, réédité en 2018 avec de très belles interprétations de tout ce qui a été composé à Nohant par Chopin. Et ce livre est évidemment disponible. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière, Julien Calvas et Virginie Benade. Demain, vous retrouvez Manou Farine pour La Compagnie des poètes, avec une émission intitulée Poètes sous influence. Ce sera avec Cécile Gilbert qui viendra parler de son anthologie d'écrits stupéfiants chez Robert Laffont. Et tout de suite, on retrouve les sciences sur France Culture.